pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir. On va parler des Saguenayens. C'était une transaction quand même surprenante, ce qui a été conclu ce matin. Les Saguenayens qui ont échangé German Rutsoff au Titan de Caddy Batters en retour de trois joueurs. Kuznetsov, il y a également Philip Farmer et des choix repêchage. On en parle, il suit les activités des Saguenayens pour le journal Le Quotidien. Jonathan Hudon, bon après-midi, Jonathan. Oui, salut Danny. Jonathan, moi j'ai été surpris à cet ainsi de l'année. Oui, ben c'est sûr que la période des transactions commence là, au milieu du mois de décembre. Donc on s'attend à ce que ça brasse à partir de ce moment-là. Mais les joueurs européens et les joueurs de 20 ans peuvent échanger en tout temps. Okay. Yannick Jean là, nous disait ce matin que qu'est-ce qui a fait changer là, un petit peu là, pesé dans sa décision, c'est que German Rutsa va probablement jouer. En fait, il va participer là avec au championnat mondial original avec la Russie. Donc, devrait quitter au mois de décembre là, pour aller avec l'équipe russe au camp d'entraînement. Donc, il s'est dit, je vais le rater pour à peu près une dizaine de matchs. Donc, pourquoi ne pas l'avoir échangé tout de suite? Puis, le Titan, là, la Caddy Batters, assez agressif là, pour mettre la main sur German Rutsa. Donc, ben oui. Ils se sont dit, parfait. Le timing était assez bon. Là, donc, Yannick a décidé d'y aller. C'est sûr que début du mois de novembre, ça peut-être surprendre un petit peu, mais le fit là, était bon pour le Titan, pour les Saguenayens. Donc, on s'est dit, on y va. Le retour est quand même assez très, très bon aussi. Là, ouais. En plus de Rutsa, les Sags envoient un choix de deuxième round en 2020. Puis, en retour, Batters, Ced, Christophe Farmer du Collège de Saint-Blondin, c'est un jeune espoir de 17 ans. Il joue Midget 3 cette année, ainsi que des choix de première ronde en 2020, deuxième ronde en 2020, puis troisième ronde en 2020. Donc, effectivement. Le Titan tenait au russe, ça c'est officiel. Mais Kuznetsov, c'est un gros attaquant, hein, qui a réussi, je pense, un point par match l'an passé, quelque chose de même, c'est ça? Oui, exact. Sa première année en Amérique du Nord avec le Titan de la Caddy Batters, c'était 30 points, 28 passes, si je ne me trompe pas. C'est 30 points, 38 passes, c'est 68 points, comme tu dis. 68 points en 68 matchs, un gros attaquant de 6 pieds 2 pouces, 210 livres, avait pris la décision cette année de retourner en Russie, de saigner avec une formation russe de la KHL, si je me trompe pas. Finalement, ça fait un petit peu ça avec les jeunes joueurs en Russie, peu utilisés. Le jeune, finalement, est malheureux en Russie, souhaite revenir en Amérique du Nord, mais là, il est sous contrat, donc c'est plus compliqué à ce niveau-là. Un peu comme German Rutsa, en fait, c'est un petit peu le même scénario avec Kuznetsov. Là, il est un peu pogné en Russie, là, si tu peux me permettre l'expression. Donc, est-ce que les Saguenayens vont être capables de tout régler les contrats, là, côté contrat avec leur équipe russe? Ça reste à voir, honnêtement. C'est la volonté d'Yannick Jean, mais il nous a dit là, qu'il avait d'autres plans. Ben oui, est-ce qu'il pouvait... Ça marchait pas. Ben, est-ce que Kuznetsov pourrait repasser dans une transaction? Parce que c'est quand même un bon attaquant, c'est un attaquant qui, il compte vraiment dans les plans des Sags, d'après toi, si on réussit à le libérer de la Russie. Ça va être un, si... je sais pas, je pourrais voir, c'est vraiment une question, là, une très très bonne question. Il n'a pas été question de ça aujourd'hui. Okay. Il fait partie de la liste de protection des Saguenayens. Si Yannick n'est pas capable de le libérer, j'imagine qu'il va le garder, puis qu'il va... Parce que s'il n'est pas capable d'obtenir sa libération de la Russie, il va tout simplement le garder sur sa liste ou ben sinon le libérer. Okay. Puis c'est comme ça. Sinon, je penserais pas là, que s'il n'y a pas de libération, ben qu'une équipe soit intéressée à se ramasser avec ce dossier-là pour tenter d'obtenir la dite libération. Donc ça reste à voir. Là. Okay. C'est plus hypothétique à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait une question d'attitude? Parce que Yannick Jean, la semaine passée, était laissé savoir que l'attitude était plus ou moins contente du côté des Saguenayens. Est-ce que Rutsoff en était un que Yannick Jean blâmait? Il fait partie des leaders offensifs, là, qui devait apporter plus à l'attaque, là. C'est sûr qu'il rentrait dans ce lot-là, mais c'était pas nécessairement seulement Rutsoff. C'est sûr que Robitaille, là, c'est un talent brut là, qui est supposé d'être un joueur qui change l'allure d'un match à lui seul, puis c'était pas le cas depuis le début de la saison. Donc, il est convaincu qu'il pouvait que Robitaille pouvait en donner plus, ça, c'est sûr et certain. On l'a vu là, l'an dernier lorsqu'il est arrivé. Avec une grosse équipe, on s'entend, jouer avec Nicolas Roy et Joey Ratel. Donc, il était vraiment très intense à appliquer à la tâche dès son arrivée jusqu'au final de la saison dernière. Cette année, c'était plus difficile, là, Robitaille, un petit peu décevant dans sa façon de jouer, dans son intensité, là, s'impliquer un petit peu moins là, dans l'équipe. Donc, c'est sûr qu'il faisait partie là, des joueurs que Yannick voulait en voir plus. Mm. Mais tu sais, à dire que c'est pour ça qu'il a été échangé, je croirais pas. Là, mais, okay. C'est sûr que Robitaille peut apporter plus. Yannick Jean vient de dire à CKJ qu'il semblait un joueur en attente quand il est arrivé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, un petit peu. Ouais, en mode attente, parce que honnêtement, lorsque les Flyers ont fait part à Yannick Jean qu'il allait être retourné junior majeur, les Flyers ont demandé aux Saguenayens qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous l'échanger à une autre équipe si vous ne faites pas partie d'une équipe aspirante à la Coupe du Président. Effectivement, les Saguenay ne sont pas aspirants à la Coupe du Président cette année. Donc, ils lui ont dit oui, on va le transiger là, si on n'est pas, on fait pas partie des équipes pour les grands honneurs. Donc, le joueur le savait, là, Robitaille, qu'il allait être échangé si les Saguenayens ne connaissaient pas, aspiraient pas aux grands honneurs. Puis là, ben, les Saguenayens ont 5 victoires en 15 matchs cette saison, ou 5. Ouais. Ouais, c'est ça, 5-8-2, 5-8-2, peu importe. Donc, c'est sûr que Robitaille le savait. Et peut-être que oui, justement, là, le jeune attendait. T'sais, peut-être qu'il se disait, bon, est-ce que je pars bientôt? Est-ce que, tu sais, j'imagine que c'est un gars qui voulait gagner. Il se rendait compte qu'avec les Saguenayens, ça a peut-être une saison un petit peu plus de transition, entre guillemets. Donc oui, là, peut-être qu'il s'est dit... Il attendait qu'il se passe quelque chose, effectivement. OK. Le prochain à partir... C'est pas la bonne attitude, ça l'a dit. Là. Ouais. C'est peut-être pas sa bonne attitude, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Le prochain à partir, c'est-tu... on peut-tu parler que ça pourrait être Olivier Galipo? Ben, c'est sûr qu'on pourrait penser que c'est Olivier Galipo. Ouais. C'est ça, on verra bien. J'ai demandé à Yannick ce matin là, si, justement, une transaction semblait, genre un 20 ans avant le début de la date des échanges, parce que c'est sûr, comme je le disais tout à l'heure, peut échanger en tout temps. C'est sûr qu'Olivier Galipo, là, en plus, connaît tout un début de saison actuellement avec les Saguenayens, fait partie des meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la Ligue d'Hockey Junior du Québec. Et honnêtement, il joue là, fait partie des défenseurs les plus utiles des cinq glaces. Le défenseur là, toujours sur la glace, mais il est toujours sur la patinoire. C'est sûr que sa valeur est très grande actuellement. Là. Si le Titan a payé aussi cher pour Germaine Roupsoff, qui va rater le prochain mois, plus qu'il va rater plus d'un mois là, entre décembre et janvier, peut-être qu'il va être au championnat mondial junior. C'est sûr que Galipo, sa valeur est très, très, très, très élevée pour l'instant. Donc oui, c'est sûr, là, logiquement, on peut s'attendre à ce que ce soit le... Ben, c'est sûr que c'est maintenant le joueur le plus en demande, le joueur avec la plus grande valeur chez les Saguenayens. Qu'est-ce que Yannick va décider? Est-ce qu'il va le garder toute la saison? Je pense, honnêtement, il veut peut-être refaire sa banque de choix. Donc on peut s'attendre justement, effectivement, à ce que le capitaine des Saguenayens quitte. OK. Jonathan Hudon du Journal quotidien, un gros merci. On se reparle très prochainement. Oui, au plaisir, Danny. Jonathan Hudon du Journal quotidien commentait la transaction de Jermaine Rutsoff avec le Titan d'Acadie Batters.